présenter, c'est finalement un travail en cours. Ce n'est pas du tout un résultat ou une analyse après réalisation. Avec Gilles Saussier, on a travaillé depuis 4 ans, 3 ans exactement, depuis fin 2004. Et on cherche, à travers ces commandes, en tant qu'artiste, un certain nombre d'interventions qui ont à voir avec son travail d'artiste et une dimension anthropologique. Je pense qu'effectivement, là, ce que je vais vous présenter, c'est beaucoup plus les questions, ou les doutes, ou les recherches qui surgissent à partir de cette collaboration. En quoi mon travail méthodologique, qui était à peu près construit sur un certain nombre de, je dirais, de techniques ou de modèles de représentation, est actuellement en question, et ça m'intéresse, pour essayer d'approfondir des problèmes de méthode et de fond dans le travail lui-même. Je vais essayer de vous dire en deux mots, effectivement, c'est pour ça que les citations que je vais vous présenter sont beaucoup plus des références sur des intentions, sur des démarches, sur des domaines à creuser, que de l'exposé de la méthode des itinéraires que j'ai réalisé depuis une vingtaine d'années à peu près sur pas mal d'exemples. Donc c'est beaucoup plus des questions qui se réfèrent aujourd'hui qu'une présentation générale de la méthode. Pour tout vous dire quand même, je vais vous dire deux mots sur la méthode. En gros, cette méthode, je l'ai mise en place depuis très très longtemps, c'est dans les années 70. Ça s'appelle la méthode des itinéraires, c'est pas du tout les mêmes choses que les itinéraires dont vous parliez tout à l'heure. C'est simplement un travail qui est lié effectivement à une intervention urbaine en général, parce qu'à l'époque je travaillais, avant d'être au CNRS, comme responsable d'une petite association avec des commandes de l'État. Ça durait jusqu'en 80, et on me demandait en tant que sociologue d'intervenir, anthropologue à l'époque, on ne faisait pas trop le mot, c'était pas encore bien élevé, pour essayer de donner un point de vue en complément ou en contrepoint, où c'était assez poli par rapport à des gens sérieux qui sont des ingénieurs des ponts, des architectes, des gens reconnus. Donc ce qu'on me demandait, c'est d'avoir un petit dialogue, ou un petit laïus, je dirais, un peu compétent, plus ou moins d'ailleurs, mais qui présente la dimension humaine. On était chargé de présenter la dimension humaine. Ça a longtemps été sur ce modèle, en fait, que ça s'est fait. Et un jour, on m'a demandé dans une petite ville qui s'appelait Cholet, d'intervenir avec très peu d'argent, impossible de faire une enquête, pour dire ce que c'était que le centre-ville par opposition à ses commandes de l'État. Et j'ai commencé à travailler, à cette époque-là, directement, en fait, sur l'idée que le centre-ville, ce n'était pas forcément un point géographique, ce n'était pas forcément une récupération symbolique de sédimentation, que ce n'était pas non plus forcément une densité, que ce n'était pas non plus forcément, effectivement, une multiplicité de rencontres, que c'était sans doute quelque chose qui n'était pas forcément fédéré, que peut-être que le centre-ville était différent suivant les pratiques et suivant les analyses des personnes qui vivaient dans cette ville. Donc c'était un travail un petit peu en contrepoint, où j'ai demandé à ce moment-là à des gens de commencer à me parler, cette personne très différente dans leur histoire et dans leur statut social, de me dire à peu près ce qu'ils étaient et qu'est-ce que ça pouvait dire, qu'est-ce que pouvait être pour eux le centre-ville. Alors, je travaillais à l'époque beaucoup sur des méthodes de non-directives, d'entretien. J'ai travaillé longtemps dans une clinique qui s'appelait La Borde. Donc finalement, l'écoute psychiatrique avait un sens pour moi. Enfin, tout au moins, j'ai passé un an là-dedans et ça m'a appris peut-être autant de choses que la sociologie. Donc, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons que j'employais ces méthodes. Ce n'était pas pour soigner des personnes ou pour leur renvoyer une image. C'était parce que l'écoute, les formes d'empathie de cette écoute, ont à voir un peu avec finalement, la possibilité de laisser l'autre être maître de sa parole. Et ce qui me paraissait important, et ce que j'essaie toujours de défendre, c'est que quand quelqu'un me parle, il n'est pas témoin de quelque chose. J'ai horreur de ça. Je dirais, pour moi, c'est presque viscéral, c'est politique. C'est que pour moi, quand quelqu'un me parle, il a une position d'analyste. Il a le pouvoir sur moi. Il a le pouvoir, finalement, de me donner le contour du monde par rapport auquel il situe sa parole. Et donc, ça me semble toujours important d'essayer de rendre compte de cette dimension. Donc dans les circonstances, les sept personnes, j'essayais de les considérer, quels qu'ils soient dans leur statut social ou dans leur référence productive culturelle reconnue, qu'à partir du moment où je leur demande de parler, ils étaient des informateurs et des personnes compétentes pour analyser la ville au même niveau que les urbanistes ou les ingénieurs des ponts responsables ou le maire de la ville. Et pour un temps, leur donner la parole, il s'agissait simplement d'essayer de les écouter dans l'univers de référence qu'ils convoquaient, c'est-à-dire comment, dans la liberté de leur expression, ils pouvaient mettre en jeu une autre logique des rapports significatifs. C'est-à-dire comment, dans le fond, ils pouvaient créer, par leur récit, un commentaire qui, finalement, met en question l'ordre traditionnel de nos représentations, de nos analyses, en fait, culturelles que nous avons apprises. Donc, d'avoir cet écart. Donc, c'est peut-être un jeu, effectivement, puisqu'en fin de compte, c'est bien moi qui travaille aussi sur le montage. Donc, effectivement, je n'entends pas tout, et je ne suis pas non plus soumis complètement à ce qu'ils disent, puisqu'à un moment donné, peu à peu, dans tout un travail de récupération, de montage, de retravail sur le texte, il y a effectivement toute une attention qui est portée sur, en essayant de repérer ce par rapport à quoi ils circulent dans leur parole, ce par rapport à quoi ils sont émus, ce par rapport à quoi ils résonnent, ce que dans une chronologie ils essaient de relier, en fait, dans un récit, comment ils passent du coq à l'âne dans un récit, ce que je crois être du coq à l'âne, et je pense que ce n'est pas du coq à l'âne, justement. Je pense que c'est une analyse, quel que soit le détour, la construction du récit dans sa chronologie. Donc, c'est à partir de ces hypothèses-là, qui sont un peu naïves, un peu directes, j'ai essayé de mettre en place une méthode à ce moment-là. Et la méthode consistait donc à demander à quelqu'un de me parler autour d'une thématique ouverte. Là, c'était « qu'est-ce que c'est pour vous le centre-ville dans votre histoire, vous-même, tel que vous le ressentez, personnellement ?» Donc, à partir de là, c'est une écoute fondée sur l'empathie, non directive, toujours enregistrée totalement, puisque à partir du moment où on écoute quelqu'un, on n'écoute pas le sens seulement de ce qu'il dit, et surtout pas le sens en priorité seulement. On essaie d'écouter ce qu'il nous fait, comment il résonne, je dirais presque obligatoirement, affectivement, même s'il n'a pas une apparence affective dans son récit, même s'il apparaît froid, ou même si son vocabulaire ne parle pas d'affectivité, je pense que toute communication est affective, quelque part. C'est-à-dire comment, dans le fond, il touche à quelque chose, comment il touche à ma perception. Donc, à partir de là, j'enregistre tout, intégralement, et j'essaie de n'intervenir que lorsqu'il ne peut plus parler, lorsqu'il ne sait plus où il en est, pour l'aider. Finalement, c'est les vieux protocoles de Carl Rogers, en psychosociologie nord-américaine. Mais, à partir de là, il semblait un peu faible de travailler sur ce modèle, parce que, finalement, toute relation face à face, toute relation d'entretien, reproduit une situation traditionnelle, je dirais culturelle, d'un dialogue où celui qui écoute a quelque part, même s'il ne dit rien, une relation finalement dominante par rapport à celui qui est écouté. Et donc, il y a une espèce d'auto, une sorte d'auto-censure du locuteur par rapport à celui qui l'entend, pour essayer d'être bien élevé, d'être intelligent, de se conformer à un code social de la position, même, liée à cette position reproduite, où on essaie finalement d'être intelligent, ou d'être bien élevé, ou d'être correct, ou d'être au sujet de par rapport à l'autre, puisqu'on est dans une situation de parole où finalement le sens est privilégié implicitement, puisque ça reproduit des situations, prof-élève, je ne sais pas, avocat, journaliste, ainsi de suite. Donc à partir de là, je dirais que travailler sur la notion de parcours, pour deux raisons, d'une part parce que bon, je suivais un petit peu le travail de Fernand Deligny à l'époque, qui travaillait avec des enfants autistes, et qui leur faisait faire des cartes, qu'on appelait « ligne d'air », après avoir déambulé dans les Cévennes, où les enfants nommaient avec des mots des choses qui ne correspondaient pas. Donc ils inventaient une autre langue. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est que quand on les écoutait tracer leurs cartes et parler de cette autre langue, ils étaient respectés comme étant porteurs d'un autre langage, et non plus comme déficients intellectuellement ou comme des malades de quelque part. Ce qui me paraissait intéressant, c'est d'introduire dans la relation une relation dialogique où l'autre existe comme un étranger. Donc je dis ça parce que bon, je dis très vite, c'est un peu la porte-pièce, ça demande sûrement d'être modulé, d'être explicité. Donc là, dans ce travail-là, précisément, moi ce qui m'intéressait, c'est d'enchaîner, à partir de l'entretien, une relation à l'autre où il prend pouvoir sur moi, où il est capable, dans le fond, de m'emmener quelque part, je dirais, quel que soit son statut social, de manière à ce qu'il puisse me mettre en situation d'attente, d'énigme, je dirais presque de dépendance, par rapport à l'énigme qu'il va dérouler dans son récit. Donc ce que j'ai pensé à ce moment-là faire, ce que j'ai fait depuis, c'est de lui demander si, après avoir eu un ou deux, trois entretiens d'une heure en général, ou deux heures, chacun, on a un long temps de parole, et ce long temps de parole est absolument nécessaire pour moi parce que ce que je voulais, c'est que quand quelqu'un me parle, il me parle lui. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en train de répéter ou de reproduire, je dirais, toutes les références conceptuelles, tous les repères, je dirais, en termes de valeurs, sur lesquels il se sent bien pensant ou par rapport auxquels il importe de contrôler un peu ce qu'il dit. Qu'il se sent très libre de faire revenir au présent ce que Deleuze dit de Proust quand il dit finalement la mémoire involontaire, c'est la possibilité tout d'un coup, dans le fond, d'associer librement autre chose dans sa parole que des événements qui sont dans une logique qu'il peut finalement maîtriser. C'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un peut avoir un rapport de confiance avec quelqu'un d'autre pour être libre de sa parole, il commence à exister. C'est-à-dire qu'il commence à nommer autre chose que mon monde de référence. Et ce qui m'intéresse dans l'écoute, c'est que ce monde de référence différent apparaisse. Donc, à l'époque, ce que j'ai proposé, c'est effectivement de le demander à la personne si, après m'avoir parlé, il se sentait libre, et s'il en avait envie, de m'emmener où il voulait, par rapport à ce qu'il avait dit, ou par rapport à ce qu'il n'a pas encore dit. C'est-à-dire, sans dessiner un parcours donné, quelque part, il m'emmène. Et c'est vraiment le problème, emmène-moi où tu veux. C'est-à-dire que l'importance de ça, c'est que je puisse dépendre de quelqu'un qui, dans sa volonté, est capable de m'initier à quelque chose, comme un metteur en scène d'un autre récit. C'est-à-dire qu'il m'emmène dans son film et dans son histoire. Donc, ce jeu-là, il peut être très très direct sur une revisitation des lieux dont il m'a considéré comme important, ou bien il peut m'emmener quelque part en me parlant d'un ailleurs, ou me parler d'autre chose que du lieu même. Donc ce qui me paraissait important, c'est cette liberté que je lui laisse à ce moment-là, de me prendre et de m'obliger à suivre son discours et de ne pas précéder en termes d'interprétation ce qu'il a à me dire. C'est dans le fond d'être pris par une logique qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire, dans le fond, ça c'est un petit peu dans référence avec Georges Desvreux, qui pensait, lui, très souvent, que finalement, pour lui, l'origine du fascisme, il le dit dans son livre de Bord, de l'angoisse à la méthode dans le sens du comportement, il dit finalement, le début du fascisme, pour lui, c'est prétendre qu'on comprend quelqu'un. Parce que quand on comprend quelqu'un et qu'on l'affirme, ça veut dire qu'on le fait entrer dans ses propres catégories et ses propres repères. Ça veut dire qu'on le possède. Ça veut dire qu'on le maîtrise. Il dit finalement, l'autre n'a d'intérêt que quand il est énigme, c'est-à-dire quand émotionnellement il nous émeut. Et que le sens commence là, et que quand quelqu'un nous émeut, on est obligé de se poser des questions et de déplacer nos modèles culturels pour interpréter ce qu'il est. Et donc à ce moment-là, il y a recherche. Bon, c'est un peu n'importe pièce, encore une fois, dit comme ça, ces choses-là, ça ne se négocie pas comme ça d'un bout à l'autre ou de l'envers. On essaie toujours de comprendre quelqu'un, de toute façon. Mais ce qui me paraît important dans ce travail-là, c'est de dire que si quelqu'un est capable de me séduire ou de me déplaire, s'il me fait quelque chose, en quelque sorte, il existe. Donc l'autre commence à exister dans sa parole, dans son autonomie, à partir du moment où sa parole apparaît comme quelque part avec une dimension d'incompréhension, avec une dimension d'énigme. C'est-à-dire que dans le fond, si dans le récit qu'il énonce, il me trimballe quelque part, il me fait quelque chose. S'il ne me fait rien, ça ne vaut pas le coup parce que je vais répéter dans une logique infernale toute l'intelligence que je pourrais avoir au préalable sur sa position. C'est-à-dire que dans le fond, je serais très content d'avoir un exemple pour manifester que je suis assez capable de l'analyser. Là, ce qui me paraît intéressant, c'est d'être mis en échec pour commencer une analyse à partir des moments où je ne peux pas comprendre. Donc c'est un peu sur cette hypothèse, ce qui n'est pas facile toujours. Bon, c'est un peu pur, c'est un peu une proclamation, c'est pas tout à fait évident que dans l'ordre des choses, quand on travaille, ce soit aussi fort à l'emporte-pièce, en exclusion, en opposition. Là, je donne plutôt des lignes de force à un travail. Bon, donc, c'est à peu près pour ça que j'ai travaillé comme ça. Je vous dis ça parce que bon, j'ai travaillé beaucoup avec des gens très différents, dans des commandes, j'ai travaillé sur le déménagement à un moment donné, à Montréal, à Marseille, comment des gens, bon, j'ai travaillé sur des thématiques différentes de mobilité par rapport à l'habité, j'ai travaillé avec des dockers, j'ai travaillé bon, avec des riverains de Bordeaux-Loire, j'ai fait une exposition qui s'appelait Habiter Nantes sur différents quartiers, comment des gens se présentent leur spa mobile, et puis avec quelquefois avec des gens très très, dans, sur une autre dimension, des gens très personnellement, comme Raymond Hinz, comme Fabrice Hibert, des artistes aussi, ou Henri Godin, enfin des gens qui acceptaient de jouer le jeu d'une autre manière, et je ne sais pas toujours exactement si c'est les mêmes ordres, mais je naviguais entre ces deux. Dans le fond, cet outil, ce déplacement du travail pour essayer d'interroger une démarche dans la recherche, et puis quelquefois parce que ça m'intéressait aussi d'être happé par des gens qui, dans leur comportement, pouvaient transformer ou modifier ce que j'étais en train d'essayer de construire dans votre aide méthodologique. Donc là, en l'occurrence, ce dont je vais vous rendre compte, c'est beaucoup plus dans le fond de la mise en question de ce travail à partir d'une collaboration assez longue, qui continue d'ailleurs avec Gilles Saussier, qui est un photographe de l'agence Gamma, qui faisait des grands reportages, qui faisait des documentaires, et qui maintenant est artiste. Donc il a travaillé beaucoup sur le Bangladesh, fait pas mal d'expositions à Bâle, un peu ailleurs, et qui maintenant, en fait, a une formation à la fois, je dirais, un peu de photographe d'art, mais aussi d'anthropologue, qui est toujours interrogé dans cette question. Gilles Saussier est venu me trouver fin 2004, parce qu'il était intéressé par cette méthode en termes de déplacement, et voulait travailler avec moi sur une commande qu'il avait sur une opération AGS à Nantes, qui s'appelait Malakoff. Bon, donc, j'ai continué à travailler avec lui, donc je vais vous dire un petit peu le point où je me situe dans le montage et dans la différence de comportement qu'il peut avoir par rapport à une œuvre d'art, et moi par rapport à ce travail sur lequel j'essaie de retrouver mes petits, c'est-à-dire d'essayer, dans le fond, de faire évoluer mon travail méthodologique vers, finalement, une démarche, en se disant qu'il faut que j'approfondisse un certain nombre de points qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas mis en valeur aussi loin que cela aujourd'hui. Alors là, je commence donc par des citations de gens qui sont pour moi un peu en référence de cette démarche actuelle. Donc j'appelle ça « être à la rue ». L'interprète, c'est le physiologiste ou le médecin, celui qui considère les phénomènes comme des symptômes et parle par aphorisme. L'évalueur, c'est l'artiste qui considère et crée des perspectives, qui parle par poème. Le philosophe de l'avenir est médecin, en un mot, législateur. Le problème des renouvellements formels ne se pose qu'en rapport avec des contenus nouveaux. Parfois même, ils viennent après les contenus. C'est ce qu'on a à dire, ce qu'on croit avoir à dire qui impose de nouvelles formes. Alors c'est vrai que la philosophie, ça ne va pas fort. La recherche de modes d'expression, à la fois nouvelle image de la pensée et nouvelle technique, doit être essentielle pour la philosophie. La plainte de Beckett, « Ah, le vieux style », prend tout son temps ici. Nous sentons bien qu'on ne pourra plus écrire longtemps des livres de philosophie à l'ancienne manière. Ils n'intéressent plus les étudiants, et pas même ceux qui les font. Alors je crois que tout le monde cherche un peu des renouvellements. Nietzsche a trouvé des méthodes extraordinaires. C'est seulement au nom d'une autre création qu'on peut être contre ce qui se fait. Godard a transformé le cinéma, il y a introduit la pensée. Il ne fait pas de la pensée sur le cinéma, il ne met pas une pensée plus ou moins bonne dans le cinéma. Il fait que le cinéma pense. Samuel Butler avait forgé un beau mot pour désigner ses récits venus d'ailleurs, Erewhon. C'est à la fois nowhere, le nulle part originaire, et le nowhere, le ici et maintenant, bouleversé, déplacé, déguisé, mis la tête en bas. Nous sommes à la recherche d'une vitalité. Même la psychanalyse a besoin de s'adresser à une vitalité chez le malade. Que le malade a perdu, la psychanalyse aussi. Nous sommes proches de beaucoup de choses et de beaucoup de répétitions décisives et de beaucoup de changements. Ça, c'est Gilles Deleuze. Pardon. Rencontre, Gilles Saussier, artiste, photographe, et moi. Le mot rencontre rend compte d'une collaboration particulière. Chaque partenaire a construit par rapport à ses champs d'intervention une démarche. Gilles Saussier, artiste, a toujours recherché en son travail le terrain, la présence d'un autre partenaire. Il avoue avoir particulièrement apprécié sa collaboration avec un ethnologue, il y a quelques années. La recherche en sciences sociales problématise le travail de repérage. Loin de se sentir enfermé par le projet scientifique, il avoue avoir besoin de ce lien pour libérer en contrepoint sa perception et construire à côté et autour sa recherche. Pour moi, dans la réalisation de la méthode des itinéraires, le fait que deux personnes soient engagées à l'écoute du parcours de la personne réalisant son itinéraire l'emporte sur la reconnaissance d'une compétence technique, photographe ou analyste en sciences sociales. Donc j'ai, en fait, je vais vous montrer, à partir de là, quelques images, puisqu'on a travaillé sur Saint-Nazaire, qui montrent un peu ce à quoi on s'est confronté dans cette démarche. Pour vous montrer un tout petit peu ce que où on en arrive, pour l'instant, au pré-montage de ce travail. Alors ça, bon, c'est une personne qui tenait un foyer à l'époque. Et ce foyer était surtout lié à... C'est plus un foyer restaurant pour des personnes qui étaient un peu SDF qui, à l'époque, qui étaient en chômage. Donc là, donc, bon, pardon, ça c'est qui? Patrice Korfmatt. Patrice Korfmatt, lui, c'est un ancien SDF. Je l'ai rencontré avec, dans un squat où il est encore abrité dans une tente, dans un endroit complètement déconstruit, cassé plutôt. Et il venait de trouver un travail et d'avoir un logement. Donc il a accepté de faire ce parcours, et je vous dirai pourquoi on l'a pris tout à l'heure. On a choisi justement de travailler avec une population SDF à Saint-Nazaire, non pas parce qu'on cherchait à travailler avec des SDF, mais parce qu'à l'époque, Gene Saucy avait une commande pour essayer de rencontrer des gens qui, autour de l'estuaire, pouvaient parler d'une manière différente. Et donc on a cherché à travailler sur des personnes qui pouvaient finalement avoir un rapport avec la notion d'étranger. La notion d'étranger nous a amené peu à peu à Saint-Nazaire à rencontrer finalement des gens qui étaient dans ce foyer et qui nous parlaient. Et on a voulu éviter à ce moment-là de prendre un SDF comme une personne finalement exemplaire de ceci. Le danger d'en faire un héros représentatif d'une histoire. Donc ce qui me paraissait intéressant, c'est de parler de cette situation en demandant à d'autres personnes, SDF ou non, de se confier dans un parcours. Et on a choisi pour ça, finalement, de faire parler d'un SDF qui était mort l'année précédente et qui avait des amis ou des gens qui l'ont côtoyé. Et nous avons demandé à ce moment-là, autour de cette mort, de cette disparition, à trois personnes de nous emmener et de nous parler de lui et d'eux-mêmes. En fait, la parole sur le SDF est une façon différée, dans le fond, de leur permettre à eux de confier leur récit. Patrice Korfmatt, donc, est celui qui était effectivement SDF et ami de. Donc, ça, c'est le travail photographique. En même temps, je vous montre et je vous dirai après ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le fond, Gilles Saucier, jusqu'ici, je peux quand même vous raconter ce que c'est qu'un itinéraire. En résumé, lors de la journée d'itinéraire, l'autre devient guide. Il institue un parcours sur un territoire et l'énonce en le parcourant. Sociologue l'accompagne. Un photographe témoigne de cette journée en prenant un cliché à chaque modification de parcours, temps d'arrêt, variation du mouvement ou changement émotionnel perceptible. Le dialogue est entièrement enregistré. Ce dispositif ritualise la journée. L'équipe est repérable. L'expérience sera unique et non reproductible. Quelque chose d'explicite va se livrer dans l'instant. Il s'agit bien d'un rituel qui repose sur l'initiation du chercheur. Le parcours n'est pas seulement le déplacement sur le territoire de l'autre, c'est en même temps un déplacement sur son univers de référence. Le territoire est à la fois celui qui est expérimenté et parcouru dans l'espace-temps de cette journée et celui du récit métaphorique. Interviewé nous livre en situation, une histoire au présent et la mise en scène de cette journée particulière confère à son récit la portée d'une parabole. Alors donc des itinéraires, un peu comment ça se manifeste, une parole et des images, voir, lire ou entendre. Donc là, ce que je montre, c'est le travail avec un artiste fait apparaître autre chose. Je vais donc vous montrer non un résultat, mais des images de ce travail, soit les extraits de trois itinéraires à Saint-Nazaire et des images de Gilles Saucier considérées comme ses lignes d'air. Donc là, et Gilles Saucier, en fait, n'a pas accepté de jouer le rôle habituel du photographe, puisque je demandais toujours à un photographe d'être présent dans la logique du parcours, d'entendre ou de voir les silences, les moments d'arrêt, les variations, et de prendre un cliché, même si ce cliché ne représentait rien. Ce qui me paraissait intéressant, c'est la notion d'arrêt sur image. Ce qui scande chronologiquement par le cliché, les étapes ou les rythmes du récit, pour que je puisse travailler déjà sur la notion de montage. Or là, Gilles Saucier refusait, et refuse toujours de travailler de cette façon-là. Lui, il part, il s'évade. Il s'évade et il prend des photos en résonance dans ce qu'il ressent par rapport à la situation. Donc là, vous voyez, par exemple, ces photos-là. Je peux vous lire, mais je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui est écrit. Le petit Michel, c'était sa place. Il avait son lit. Il était dans les quatre cartons. Des cartons. Et puis, voilà, couverture. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est vrai que c'est un récit. Donc ça a un sens de le lire calmement. Donc, au début, dans tous mes premiers itinéraires, j'ai adopté presque la forme de photoroman, où j'essayais de mettre image-son même si les images ne correspondaient pas du tout, ce n'était pas descriptif de ce qui se passait. Mais les images étaient un espèce de tempo pendant ce temps-là, pendant qu'on parlait. Et ça montrait qu'il s'est passé quelque chose quelque part, quoi, dans un lieu. Et donc là, il reprend un peu cette thématique en essayant par instant de remettre des images qui quelquefois représentent la situation, quelquefois sont très éloignées, et de temps en temps, il prend l'écart avec son récit en termes d'images pour essayer d'avoir un autre temps, une autre temporalité. C'est-à-dire que dans le fond, ce n'est pas la même scansion dont il s'agit. Donc je vous montre un peu comme ça, sans vous lire, parce que je crois que j'y arriverai pas. Donc là, on se trimballe dans Saint-Nazaire sur des voies très droites qui vont très loin. Là, on arrive particulièrement dans un parc qui était situé à 2-3 km du centre. Là, ce que l'on voit, ce sont des WC publics dans un grand jardin qu'il a choisi quelquefois, où il parle de Didier Harel, ce SDF mort, qui lui, par moment, arrivait à boucler la porte de cet endroit-là pour faire sa sieste, quand il avait bu l'après-midi. Donc c'est un espèce de lieu où il habitait dans la journée, dans ce lieu-là. Et quand ça allait mal, il s'en allait sur la colline, juste à côté, il y avait des arbres. Donc tous ces lieux-là, qui sont des lieux de rien, deviennent importants dans la ville. C'est une autre suspension des espaces, et c'est pas l'espace public traditionnel. Donc, d'autres espaces parcourus dans ce parc. Et là, c'est par exemple, c'est l'image même d'un lieu où il allait derrière les arbres quand il s'en donnait pas que c'était marin. Mais ce lieu prend un autre sens, une autre force, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus le texte, on a un autre rebond par l'image sur une évocation de ce qu'on pourrait appeler un visage dans le paysage. Là, c'est le contour de la prison de Saint-Nazaire, on continue ce parcours. Et on arrive dans des endroits qui sont effectivement des interstices où il dort la nuit. C'est-à-dire, dans le fond, c'est l'école de musique où il y a effectivement sous les escaliers des endroits où il a pu se récupérer un certain nombre de temps pour dormir. Donc on voit ces espaces, il explique la relation qu'il y a à ce moment-là. C'est plus intéressant que je vous décrive tout à l'heure, j'essaierai de vous le lire si vous le souhaitez. Là, ce sont des bancs, simplement en face d'un endroit où il allait toujours acheter le même vin, le Rosé Plus, un magasin qui s'appelle Canal Plus. Ce qu'ils appellent Canal Plus. Les marchés Plus. Là, c'est aussi l'hôtel de police. C'est un endroit où il arrivait à se réfugier quelquefois. Le flic à Saint-Nazaire le connaissait et lui permettait de dormir en cellule quand ça allait mal. Donc il laissait ouvert la porte. Alors, ça, c'est le squat. On se retrouve, qui est dans un carré sans toit, où ils ont aménagé une sorte de petite cuisine avec des tentes, où ils se retrouvent effectivement ensemble avec une installation musicale. Donc ça, c'est une machine qu'ils ont inventée pour faire des brochettes ou cuire des poulets. Bon, je vous en montre un autre. Claudine Cotin, c'est la personne qui gérait effectivement le centre. Qui est moyenne sur ce même parcours, mais qui est une vision assez différente du même parcours, en fait, et de cette histoire. Donc là, on retrouve des endroits qui ne sont plus du tout, finalement, forcément le récit de Didier Harel. C'est-à-dire, à chaque fois, on parle de lui, mais c'est une occasion pour chacun de parler de soi. Là, on retrouve un espace où elle tenait son centre auparavant, où elle s'est battue avec une fille qui était SDF. C'était un grand moment d'émotion, parce que elle montre l'espace même de cette ville et les détails de l'espace, c'est-à-dire l'endroit où elle s'est cognée la tête quand elle a été battue. Là, à ce moment-là, on a traversé une manifestation à Saint-Nazaire qui est en écho avec le travail de Simon Harel, Didier Harel, Simon Harel, qui travaillait comme balayeur à l'époque et qui était syndiqué dans cette entreprise. Donc je vous montre ça parce que c'est pour vous montrer un peu comment, dans le fond, on reprend finalement le petit livret thématique presque photoroman, en partie, comme un récit finalement de cette histoire. Yannick Richard, c'est une autre rencontre. On a fait beaucoup plus d'itinéraires que ça. On a été voir des gens de sa famille, des frères, des sœurs, et finalement on n'a pas pu les publier. D'une part parce que on montre toujours l'itinéraire à ceux avec qui on le fait, puisque c'est une parole très intime, dans le fond, qu'il nous livre. On leur demande, dans le fond, d'être confiants. Donc à chaque fois, on leur relie l'itinéraire. On leur demande s'ils sont d'accord pour effectivement pouvoir le mettre à l'espace public, puisqu'ils vont très loin dans leur projection. Et les gens de sa famille, ce qui était très désagréable, c'est qu'en fait, dans l'image, ils étaient tout à fait en justification. Ils disaient « c'est un homme libre, on ne verra rien sur lui ». C'est-à-dire que dans le fond, ils étaient obligés de réparer, finalement, l'image SDF, qui est l'image d'un autre, totalement différent, rejeté. Donc tout leur discours est très intéressant dans le travail sociologique classique, parce que c'est le discours à côté, c'est le discours qui parle d'autre chose, ou qui explique, ou qui prétend valoriser après la mort. Mais c'est finalement aucune complicité. C'est finalement très tendre, très, très gentil apparemment, très poli, très respectueux, mais selon des normes. Et là, on n'avait pas du tout les interactions possibles pour signifier ce que pouvait être, en premier temps, parce qu'il ne s'agit pas d'une étude, il s'agit beaucoup plus d'un travail entre une demande et une commande qui a à voir avec une exposition, un retour auprès des locuteurs, qu'un travail scientifique qui voudrait montrer ce qu'est finalement le SDF à Saint-Nazaire. Donc c'est beaucoup plus une entrée en scène. Donc lui, c'est une personne, dans le fond, que j'ai retrouvée, qui était contremaître dans une entreprise de balayage à Redon. On a mis longtemps à trouver chaque personnage. Qui a connu Didier Harel à l'âge de 6 ans, et qui l'a accompagné jusqu'à vers 14 ans, et qui était très complice avec lui dans des histoires d'enfance. Ce qui est important, c'est qu'il continue avec ses histoires d'enfance, et il retrouve tout ce territoire qu'il a partagé, dans ses balades sur un rocher, les récits qu'il se racontait avec lui, comme si finalement, à un moment donné, ils ont bifurqué, mais comme s'ils poursuivaient tous les deux une sorte d'école buissonnière à leur manière. Donc il y a une espèce de parenté, de proximité, de différenciation, où lui, ça lui permet de valoriser finalement le fait de s'en être sorti, ou le fait d'être autre chose, et en même temps, une sorte de reconnaissance parallèle d'un rêve partagé. C'est-à-dire que c'est une dimension imaginaire, par rapport à laquelle il invente, dans le fond, la position sociale de l'autre. Ça se termine d'ailleurs très très curieusement, parce que finalement il nous ramène chez lui, où il venait de se marier avec quelqu'un qu'il a rencontré dans un gare Montparnasse, qui est africaine, et très content de découvrir l'Afrique. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il a sorti un dessin qu'il avait réalisé à l'âge de 13 ans sur une maison, sur le plan d'une maison qu'il avait rêvé de vivre à 14 ans avec ce Didier Harel, en fait, qui est mort. Non, c'est le rocher du Lion, c'est toute une plage où il déambulait à l'époque. Bon, je vous montre à la fin quelques diapositives parce que, en fait, ces photos sont essentielles pour J. Dissocié, parce qu'en fin de course, lui, bon, il va présenter effectivement dans une exposition à Saint-Nazaire, mais ensuite, en fait, il y a une commande effectivement actuellement à Londres pour une exposition qui va suivre, où il essaie de montrer non seulement ses itinéraires, mais les 5 ou 6 photos qui, pour lui, résument ce que peut être en écho dans une ville la présence de ce récit. C'est-à-dire que les photos pour lui n'existent pas indépendamment, n'existent jamais indépendamment d'une autre, et surtout indépendamment d'un récit ou d'une parole. Donc ça, c'est encore la photo que vous avez vue tout à l'heure, c'est cette photo de l'endroit où il dormait. Ça, c'est sur la plage, c'est un moment effectivement où il y a des pierres rejetées en déchets tout près d'un chantier, près de la mer. Voilà. Ça, c'est effectivement autre chose, c'est tout un rejet dont il parle par ailleurs. C'est-à-dire, dans le fond, l'endroit où il a été mis à la porte d'un collège. Là, c'est finalement la falaise qui s'écroule sur le chemin de ronde en bord de mer où on a marché pour aller au Rocher du Lion. Le Rocher du Lion étant leur escapade privilégiée à l'époque. Et c'est comme elle s'effondre et que les villas de luxe s'en sont menacées. Aujourd'hui, il y a effectivement des constructions avec des pour protéger de la mer de ces pierres. Bon, je vais reprendre un peu le récit autour de ce travail. Les rencontres, interviews et itinéraires réalisés à Saint-Nazaire sont à l'écoute de plusieurs SDF et à partir de leurs paroles tentent de traduire leur perception de la ville même. Les SDF, ni les parcours dans la ville de Saint-Nazaire n'ont été retenus pour répondre à une commande. Peuple et culture de laisser libre autour de la question de l'habiter, de rencontrer, en rapport avec les riverains d'Estuaire. des personnes susceptibles de parler et de nous guider sur des récits et territoires d'ordinaire occultés ou négligés. Nous voulions, pour échapper aux catégories légitimant une pratique ou une appartenance, rencontrer des étrangers. Non parce que l'étranger serait par excellence le messie d'une parole libre, mais parce que ce terme d'étranger peut devenir un verbe tel que Fernand Deligny l'énonce. Je cite un peu Deligny, « L'asymbolisme est un mot qui fait partie de la litanie des vocables qui désignent des déficiences. Déficiences par rapport à ce qu'il en est de nous. Si au lieu de parler de déficiences, nous parlons d'étrangers, ce qui est, comme vérité, vrai, un infinitif qui n'existe pas, quel dommage. Il évoquerait cette autre gravité d'où l'agir advient. Échanger n'est plus le maître mot, d'où un changement de terrain. C'est pourquoi nous n'avons pas choisi d'étudier la SDF de Saint-Nazaire, mais des personnes non inscrites dans les normes traditionnelles de l'habité à la marge. Ici encore, pour éviter la subjectivation d'un portrait exemplaire, de rencontrer des personnes qui acceptent de rechercher dans la ville et par l'éveil de leur mémoire ce qu'ils ont partagé en acte et dans l'imaginaire avec Didier Arel, SDF, mort sur un banc 2 ans auparavant. Voir les frontières, c'est-à-dire faire voir l'imperceptible, toute une micropolitique des frontières contre la macropolitique des grands ensembles. On sait moins que c'est là que les choses se passent, à la frontière des images et des sons, là où les images deviennent trop pleines et les sons trop forts. Ça, c'est Gilles Deleuze dans le cahier du cinéma. Les itinéraires ne sont pas des témoignages, mais des parcours sur les traces. Celles que Didier Larel a laissées sur le territoire de la ville et celles qui ressurgissent au réveil de la mémoire. Ce qui est trace d'être, si on entend que cet être-là n'est pas un, il s'agit d'être et non pas de l'être, et tracé, alors ne représente rien. Ça, c'est Deligny. Yannick Richard, aujourd'hui contremaître dans une entreprise de nettoyage à Redon, a côtoyé Didier Arel dans l'enfance et l'adolescence. Il construit tout au long du parcours le récit d'un rêve partagé, et c'est dans le partage et la confrontation de leurs deux expériences imaginaires qu'il évoque la différence de leur histoire, évocation d'une liberté où, sans rupture avec l'enfance, le territoire de la ville, comme celui de leurs échanges, est celui d'un jeu ludique et tragique. Le fait, pour Patrice Korfmatt, qui après avoir côtoyé Didier Arel dans un squat, vient retrouver un logement et un travail, de parler de Didier Arel le rend plus libre d'évoquer ce qu'il ressent. Sa parole n'est pas représentative d'un rôle, d'une appartenance. Il nous initie au repère de son camarade dans la ville. Je n'étais pas un assassin qui venait rôder sur les lieux du crime. Le lieu lui-même est un très vieux criminel depuis qu'il tourne autour du soleil. Ça, c'est Romain Gary, Claire de Femme. La parole sur les SDF contourne toujours son objet. La réalité tragique ou cruelle ne peut être abordée de front, parce que écouter, c'est s'identifier, et que pour des raisons multiples et contradictoires, personne n'accepte en premier temps de s'y identifier. Patrice Korfmatt joue le rôle d'un passeur. Il a été pendant un temps SDF et garde une relation étroite avec eux. Sa parole est tour à tour proche et distante. Il joue son rôle de témoin et construit à partir de l'itinéraire un récit exemplaire. Il nous emmène sur les principaux lieux d'appropriation et de mise en scène d'une ville réinventée. L'hôtel de la place, c'était le mot. Tu veux boire une bière, tu restes dehors, tu vas à l'hôtel de la place. On comprenait tout de suite. L'hôtel de la place, c'était rester dehors. On était viré du foyer. Au lieu de dire « Foule camp, reste dehors », il nous disait ça gentiment. Il était quand même assez correct. L'hôtel de la place, dernière ironie de la situation. Cette expression traduit un rapport paradoxal à la dignité. Un non-lieu est devenu lieu d'élection, au point d'inverser le rapport d'hospitalité. Le dehors et l'espace public devient par défi le territoire d'habité. Le langage déplace le réel, met en jeu l'assignation et l'exclusion, et la renverse comme s'il s'agissait d'un jeu équivalent. Tout se passe sous le mode de la dénégation et du contour. C'est le SDF qui distribue les normes de politesse. Il était même assez correct. Ce jeu est peut-être possible parce que, dans le temps ordinaire, Saint-Nazaire apparaît souvent comme une fiction. Alors là, je vais vous donner des tas d'impressions que je retravaillerai ensuite, parce qu'effectivement, là, c'est beaucoup plus en fonction de ce que j'ai ressenti, finalement, ce que je projette moi-même sur Saint-Nazaire. L'espace public est-il un espace en attente ou un espace vide? Hors des heures de pointe, personne ne déambule dans la rue. Ce no man's land est-il par hasard habitable par les SDF? Parce que ces lieux sont peu contrôlés, laissés en vacances et en périphérie. Comme peut-être toute la ville, le centre, si c'est une figure géométrique, n'apparaît pas comme lieu d'une animation particulière. Les SDF peuvent investir les interstices, même en lisière de l'hôtel de ville. L'espace public à Saint-Nazaire peut être approprié comme une multiplicité d'espaces interstitiels. Saint-Nazaire n'est pas seulement une ville nouvelle, construite à la seconde moitié du XIXe siècle. Son développement est resté longtemps tributaire des fluctuations de main-d'œuvre pour l'industrie navale. Pour ces raisons, les ouvriers ont longtemps résidé et habitent encore les bourgs de grande périphérie. Ville de stockage du matériel de guerre lors des derniers conflits mondiaux, les rythmes de ces activités ont varié du simple au triple au fil de l'histoire. L'espace urbanisé semble quadrillé sur le vide, territoire en attente que ne délimite clairement ni le fleuve ni la mer. La notion d'extériorité ou d'intimité est instable, rejouée, inversée, imaginée et ou investie. Ce jeu est possible dans l'espace parce que le dessin même de cette ville n'est pas fixe, parce que l'occupation de l'espace suit des séquences d'activités rythmées par les seuls flux, embauches et débauches. Tout se passe comme si les temps non affectés entre les heures de pointe étaient réservés aux SDF dont la présence devient par évitement et donc par défaut le signe d'un habité hors des usages et fonctions traditionnelles. Les SDF produisent des rituels dans le quotidien et construisent une cartographie invisible et impensée, parce qu'impensable par ceux qui les regardent. La négation de leur identité et du sens de leur présence évacue toute représentation singulière non répertoriée. Si on écoute et si l'on regarde cette ville à partir de l'expérience de certains SDF, ceux-ci, parce qu'ils ne reproduisent pas la logique fonctionnelle des habitants ordinaires, inventent dans leur stratégie d'immanence une lecture autre de l'espace public. Leur parcours et leur récit dévoilent des strates de perception d'ordinaire invisible ou refoulé. Une ville autre transparaît. Cette inscription, échappant aux logiques des représentations culturelles, est valorisée quand des acteurs héritent d'une distinction culturelle. Des flâneurs aux situationnistes, en passant par les surréalistes, qui par déconstruction des hiérarchies de valeurs dominantes rendirent possible l'émergence d'autres qualités occultées et négligées. Ici, la reconnaissance d'une conception révolutionnaire ou poétique de la ville même fut un temps reconnu. Le paradoxe qu'inaugure cette expérience avec les SDF, c'est de voir qu'un groupe social dévalorisé ou nié, capable de par son rejet social et économique de déplacer les repères symboliques et déstabiliser le sens même de toute relation au point de rendre fragile la culture établie de l'urbain. Les paroles dites, les images prises, ne rendent pas directement explicite cette ville autre. Elles ne dévoilent pas l'énigme, mais en reconnaissent la présence. C'est à côté du récit et de l'image qu'une dimension nouvelle de la ville apparaît. Le parcours impossible des SDF, nommant la ville insaisissable ou en glissement, comme par défi, met en évidence cette ville inhabitable. Une ville sans qualité, en suspens et en suspense. Une ville constituée par cette relation d'attente. Si ces récits déplacent les repères habituels de nos représentations, cette initiation à l'envers des périples surréalistes est indissociable de l'angoisse ou de la douleur dont la part inconsciente relève du contre-transfert. Cette attente et ce désespoir du vide et du non-sens réveillent l'angoisse de celui qui écoute. La perception ou l'écoute de ces itinéraires n'est pas neutre. Cette écoute place celui qui accompagne dans un rapport transférentiel. La situation angoissante du guide déstabilise les repères habituels de l'habité chez l'anthropologue. Je me rappelle donc ici de la distinction maintenue tout au long de ce travail entre la démarche anthropologique et celle de l'artiste. Je vais essayer de vous mettre quand même un itinéraire très différent. Gilles Saussier arrive son parcours à l'enquête pour accumuler des informations et s'en déprendre. Les images qu'il cherche n'illustrent pas à proprement parler un récit. Elles réfractent les traces anthropologiques en deçà du langage. Elles font apparaître une autre qualité des lieux, trous ou failles dans l'espace lisse des représentations urbaines. Elles font surgir des lieux résiduels, délaissés, une dimension en rupture, déroutante, mais qui renoue à la fois avec l'imaginaire d'une enfance encore vive. Tout ça venait de l'imagination. On s'était repris à je ne sais combien de fois pour faire la maison. On s'ennuyait, on voulait s'isoler du monde, montrer aux autres qu'on les emmerdait, qu'on pouvait faire mieux qu'eux. On était tout le temps en train de se dire « T'inquiète pas, va, on va y arriver, tu vas voir quand on aura notre maison. » Ça, c'est le plan. Le travail entrepris avec Gilles Saussier n'est pas le produit ou le résultat d'une rencontre. Ce travail même est une rencontre. En faire aujourd'hui un récit n'est pas un bilan ni une analyse. C'est au présent une tentative de construction du sens. Déjà, dans cette période, ce qu'il recherche n'est jamais délimité par la production d'une image comme objet autonome. Non seulement une image n'est jamais isolée, mais elle renvoie à la parole, le sens n'est pas non plus achevé une fois produite. Elle est, lors des retours, revisitée, reterritorialisée par une rencontre nouvelle avec des partenaires concernés. Autrement dit, l'image se construit lors de ses allers-retours sur le terrain. Cette question du contrepoint est partie intégrante de sa démarche parce qu'elle place son travail dans un champ social et politique et parce que ce qu'il cherche, c'est une autre coïncidence du récit avec le paysage. Restent les coïncidences. Et s'agit-il à partir de ces coïncidences de construire, d'élaborer un autre monde, à partir des chevêtres repérés sur les cartes et situés sur pilotis de la cité future, ne serait-ce que territoire où pourrait exister la trentaine de ceux qui formeraient une ethnie ressurgite des fins fonds de l'espèce. Pour ce que j'en pense, les coïncidences ne préfigurent pas, n'esquissent pas un autre espace où exister, et ce plus humainement que l'être, alors il sera quelque peu embellieuse. Ne pas croire en l'être ne suffit pas, l'être étant de se dire. Reste le monde d'être qui peut apparaître au filigrane de par la pratique des cartes. Ça, c'est deux lignes. Le projet scientifique d'explicitation reste un fil d'Ariane par rapport auquel il peut librement travailler sur différents niveaux de résonance. Son travail n'isole pas les temps de repérage, d'observation, de la prise de vue, des montages et retours sur le terrain. Car comme une ritournelle, les retours, alternance des moments d'écoute et d'analyse, sédimentent la construction des images et leur coïncidence volontaire ou involontaire. Avec ce qui émerge de la parole en résonance avec différents contextes, l'origine de notre rencontre, c'est sa découverte de la méthode des itinéraires. Du côté de Gilles, la dimension anthropologique est inscrite dans une démarche quand même de son travail pour l'agence Gamma. Un engagement très personnel sur la question du documentaire. L'image n'existe pas seule par elle-même. Gilles aussi a déjà de longue date travaillé avec un autre, ça je l'ai déjà dit. Bon. Notre première expérience, c'était donc... Bon, je passe... Hop. D'entrée de jeu, un tel choix engage et construit l'objet de la recherche. C'est autour et à côté du lieu et auprès de personnes qui échappent aux normes des résidents, représentatifs du grand ensemble, que nous entendons pour voir et entendre des personnes par leur expérience bousculent nos repères habituels et qui, par leur étrangéité même, déstabilisent nos certitudes et éveillent notre sensibilité. Tout au long de la collaboration avec Gilles Saussier, la recherche de personnes susceptibles de nous surprendre par leur expérience et leur posture deviendra un élément déterminant de la démarche. Ces choix ne portent pas sur les personnes correspondant au régime d'une rhétorique préétablie, mais au contraire sur l'attente d'un décalage ou d'une surprise. Celui qui nous emmène dans son récit et son parcours nous intéresse par l'énigme qu'il provoque. Le rencontrer est mobilisateur parce que le lieu qu'il convoque déplace nos références, parce que son style ou ses valeurs dérangent l'ordre ou le contexte de nos habitudes. Cette qualité émotionnelle n'est pas recherchée seulement parce qu'elle excite notre curiosité, mais parce que la qualité de sa parole et de sa présence convoque une autre strate du récit. Ce n'est pas la connaissance d'une personne seule qui nous intéresse dans la stratégie intersubjective où elle fait apparaître un contexte ou un paysage. Donc les deux philosophes, c'est Jean-Luc Nancy Deleuze, que je dis après, bon, je le passe. Dans une recherche, le choix des rencontres premières est le premier acte d'une stratégie. L'autre, s'il nous étonne, peut déranger nos modèles de pensée. Et seul, ce rapport d'altérité oblige à réagencer nos hypothèses. Cette recherche a été longue à Saint-Nazaire parce que non seulement nous avions choisi d'écouter d'abord un étranger, mais parce que toute personnalisation risquait de fétichiser et encore cette différence. Alors que le but même de cette démarche, c'est d'articuler sur un même territoire les agencements de ces différences. Un processus de subjectivation, c'est-à-dire une production de mode d'existence, ne peut se confondre avec un sujet, à moins de restituer celui-ci, de destituer celui-ci de toute identité. La subjectivation n'a rien à voir avec la personne. C'est une individuation particulière ou collective qui caractérise un événement, une heure du jour, un fleuve, un vent, une vie. C'est un mode intensif et non pas un sujet personnel. Ça, c'est de notre... Ni Gilles ni moi n'avions besoin de rencontrer un témoin capable d'illustrer une situation, mais comme lors du premier contact d'un ethnologue avec son terrain, de considérer la personne rencontrée à la fois comme un passeur, à la fois comme un analyste, capable de par son point de vue de construire une situation. Lors de la première expérience réalisée à Nantes, l'itinéraire de Joséphine en relation avec deux Russes sans papier, lui et son miroir, l'attitude de Gilles Saussier semblait radicalement opposée à celle des photographes acceptant le protocole originaire. Non seulement Gilles n'emboîtait pas le pas de l'interviewé, guide de l'itinéraire, mais il se perdait dans le dédale de la ville en téléphonant périodiquement pour nous retrouver. J'ai un moment vécu ce décalage que nous risque d'un abandon au protocole des itinéraires, prévoyant d'abandonner le fil chronologique du parcours en écho avec un récit, d'autant que le montage jouait avec la chronologie du récit. Ce déplacement oblige à réinterroger une dimension du travail généralement occultée. Le terme méthode est trop souvent compris comme un simple protocole, alors que les techniques, qu'il s'agisse du recueil ou de la restitution, sont liées à un contexte. Elles sont à un moment donné une prise de position par rapport à la communication d'autres messages qui valorisent les récits ou analyses de partenaires socialement valorisés. La méthode est un fait. Elle se constitue dans le mouvement même de sa réalisation in situ. Le changement d'expérience est indissociable de sa construction formelle. Une méthode, c'est un acte qu'elle existe. Gilles Saussier dissocie lors du déroulement d'itinéraire la prise de vue de l'enregistrement. Il garde un moment au moment du montage même et une même distance entre le montage du texte et celui des images. Le photographe et le sociologue deviennent par rapport à deux temporalités distinctes et composent leur récit sur des articulations qui privilégient des rythmes différents. Ce changement d'attention nous porte à privilégier dans la parole et dans l'image des espaces-temps où surgissent des coïncidences ou des points de butée entre la parole, l'acte tel qu'il surgit dans l'expression d'un sujet, la mise en tension d'un paysage ou d'un contexte. Gilles Saussier apparente sa démarche aux lignes d'air de Fernand de Ligny. et justifie dans son travail de repérage la superposition de strates qui sont la première immersion sur le terrain et l'élaboration progressive d'un montage. Le photographe, si photographie il y a, est déjà... La photographie, si photographie il y a, est déjà prise, déjà tirée dans l'intérieur même des choses et pour tous les points de l'espace, cette personne. Il compare volontiers le parcours de l'itinéraire où il se tient l'écart de la parole de celui des enfants autistes. Il cherche à faire surgir des nœuds d'un paysage réel imaginaire en écho avec ce que le langage peut en livrer. Son travail suppose de multiples retours sur et autour des lieux traversés physiquement, mais aussi sollicités par la parole. Ces retours sont moins l'occasion d'une collecte que celle d'un dégraissage ou d'un délaissement, pour ne rencontrer et garder que les images qui ne font pas visage, mais qui sont visage dans le paysage même.